pire. La démocratie te prépare le pire. Si tu élèves la voix, ils te montrent du doigt. Signifiant leur méfiance envers toi. Alors, tu restes passif, sans aucun geste de défense. Quand ce qui pour toi signifie la mort lente pour ta descendance. Ton destin n'est pas d'être un mouton, mais plutôt de clamer ta rébellion. Prends les armes ou bien meurs. Ce n'est plus le temps des pleurs. Celui de la guerre et du sang. Vivre libre ou mourir vaillamment. Mourir vaillamment. Mourir vaillamment. Mourir vaillamment. Ils ont déjà tué ta part.